sortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait lancer comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont coulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, c'est comme la première fois sur tous ces Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages. Salut à tous, amis auditeurs et auditrices de Radio Gémozo, vous êtes sur le 107 FM. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Un petit coucou au fan club des années bonheur. Alors plus de 400 personnes ont vu notre publication pour ce jeudi. Alors bonjour le Québec, il est 10h. Un bisou à Aline et à Huma. Bonjour le Maroc, il est 15h. Salut à Denis Durand. Et bonjour la Belgique. Je rappelle que l'émission sera mise en podcast sur la page de notre radio et rediffusée dimanche 4 février sur la bande FM. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30. Salut à tous, c'est Pierre Charby sur Radio Gémozo sur 107 FM. Comme vous venez de l'entendre, j'aurai le plaisir de partager les ondes avec l'aimable participation de mon ami artiste Pierre Charby pour une émission hommage aux crooners. Souvenez-vous. Qui chantait Only You. Avant de rejoindre Pierre, un petit rappel, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur la page Facebook de notre radio, ainsi que sur notre page officielle Gilles Mougel. Je transmettrai en direct à l'antenne, je compte sur vous. Maintenant je retrouve par téléphone mon ami Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Bah écoute, moi je vais bien, surtout quand je suis en bonne compagnie, oui. C'est-à-dire avec toi, et j'espère avec beaucoup de nos amis facebookiens, comme Elisabeth Deslandes, Lucie Dariel, Gilles et Cécile Chambre et des amis, quoi. Salomon Wimi qui nous écoute du Canada, figure-toi. Ah bah oui, tu vois, au Québec, on est écoutés aussi, hein. Ah ouais. Oui. Ah oui. Burel, enfin bon, je peux pas tous les citer, bien sûr, Nicole Faure, Patricia Farrugia, qu'est-ce que j'ai encore Comme je disais, en préambule, on a eu plus de 400 personnes qui ont vu la publication. Ouais. Voilà, Francine Barthélémy, Jean-Claude Doussard. J'en ai plein, Yvette Douillère qui nous écoute de très très loin, et puis mon ami Michel Danguin. Ah oui, d'accord. Qui, j'espère, nous écoute d'à côté de Sète. dans l'Hérault. Ouais. Et puis il y a mon ami Jean-Jacques Astruc qui a écrit quelques chansons avec moi, notamment Notre belle histoire que j'ai mise hier, je crois, sur ma page Facebook. Et voilà, j'ai presque 5000 amis, alors attends, il faut que je... Aujourd'hui j'en ai 4988, il y en a quelques-uns qui ont disparu. D'accord, bon tu les cites pas tous hein Pierrot. Non. Parce que... Ah non mais Gilles Mougel, tu connais? Bah écoute, je sais pas, je crois qu'il fait une émission radio, mais enfin je sais pas trop, justement. Tu vois. Je... Exactement, et il y a Véronique Lemaire, Nadine Duvillard, enfin écoute. Ouais, et puis... J'espère que celles et ceux que je ne pourrais pas citer ne m'en voudront pas. Il y a Jacques Seguin, évidemment. Il y a Yves Messé, qui est en Normandie. Ma petite sœur de cœur, Micheline Mercier, qui est dans le Nord, là-bas. Mes amis Philippe et René Brun-Blanchard, qui sont dans les Hautes-Alpes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, écoute, j'ai d'autres amis qui sont en plein déménagement en ce moment. C'est, bien sûr. C'est Sylvie et Jean-Marc Brunet. Voilà, enfin bref, voilà. Tu avais préparé une liste, Pierrot, là? Non, mais voilà. C'est... Alors, on en est où? Par quoi on commence? Alors, bah, écoute, Pierrot, je voulais déjà te remercier. Ben de rien. De ta participation donc dans mon émission sur notre antenne, parce que c'est vrai que à chaque fois que je t'ai sollicité, alors c'était étalonné sur plusieurs années, on va dire, puisqu'on se connaît depuis 2013, oui. Mais tu as toujours répondu... Toujours répondu présent, et pour ça, je te remercie d'être présent encore aujourd'hui, et puis pour ta fidélité. Voilà, bah écoute, moi, c'est moi qui te remercie aussi, parce que, bon, t'as toujours été là. Je voudrais faire un petit coucou à une amie lointaine qui est en Algérie, qui est mon amie Naïma Brahimi, que j'aime beaucoup, et qui est une amie formidable. Lointaine, mais toujours présent, toujours ouais. Proche de moi, enfin de nous tous. Voilà. D'accord. Et j'espère qu'elle va nous envoyer quelques rayons de soleil, parce qu'en ce moment, il est un peu palichon chez nous, tu vois. À côté bah, de tu sais, chez nous, c'est pareil. Hein. ce matin, quand je me suis réveillé, là, tu sais, j'ai toujours un petit peu le rhume. Ah. Et puis j'avais la voix tout éraillée, alors je me suis dit, quand je vais prendre l'antenne après-midi, les gens vont croire que. Parce que tu sais, en ce moment, c'est le festival du film fantastique à Gérardmer. Ouais. Alors, je vais dire, j'ai été voir un film fantastique, tu sais, j'ai été voir un film de zombies, puis j'ai pris la voix en même temps. Non, je plaisante, parce que c'est vrai que je me dis ce matin, ouh, ça va être dur. Alors, chez nous, bien sûr, c'est la flotte, hein, c'est gris. Enfin, quoi qu'aujourd'hui, c'était un petit peu plus clair, mais bon. Bon, nous, il pleut pas, mais c'est gris. C'est gris. Bien sûr, ouais. Il a fait très beau, mais avec un vent... un peu du diable, on a voulu aller se balader à Cannes, mais... En bord de mer, c'était intenable, tellement ça soufflait. Bien sûr. Et au bout d'une petite demi-heure, on a baissé les bras, quoi. D'accord. On est reparti chez nous. Eh bien, je profite aussi, Pierrot, pour faire un bisou à Cathy, qui est à côté de toi. Oui. Voilà. Eh ben, écoute, donc, je l'embrasse. Hein. Je l'embrasse voilà. En direct live. Alors, si tu veux bien, Pierrot, moi, ce que je pensais, c'était... Puisque donc, on fait une émission aujourd'hui, hommage au crooner... Donc tu en fais partie. C'est gentil de m'inclure dans ces grandes voix, ces crooners. Ben écoute, je suis flatté, ému. Non, enfin... bah, tu sais, j'ai pensé tout de suite à toi quand j'ai décidé de dire bon bah tiens, allez, cette semaine je fais les crooners. J'ai été recherché dans mes dossiers, etc. Je me suis dit ben voilà, je ne peux pas ne pas mettre Pierre Charby, hein. Eh ben écoute, c'est très gentil, je suis un peu gêné. Hein, ah mais je vous en prie. Bon, ben écoute. Hein, non, c'est tout à fait, c'est normal, Pierrot, c'est mérité, vrai, parce que voilà, c'est pas pour passer de la pommade, hein, mais c'est vrai que, je veux dire, voilà, c'est, tu fais quand même, t'as une voix quand même, une des plus belles voix de, hein, de si on parle, si on reste dans, au niveau de, comment je veux dire, en France, hein, de chanteur oui. Français, puis bien sûr, tu chantes aussi en anglais. Hein, donc bah oui, on verra ça plus tard. C'est un petit peu l'avantage que j'ai sur pas mal d'autres chanteurs, on va bien dire. Sûr. Mais bon, c'est comme ça. Bah bien sûr. Alors, on va parler la définition du crooner. Est-ce que je te laisse donner la définition ou est-ce que la définition, ben je l'ai pas en face de moi. Je sais que si tu veux en anglais le verbe to croon, ouais, ça veut dire murmurer, oui, murmurer, fredonner. Alors évidemment, ça c'est un terme qui est un petit peu galvaudé maintenant parce que moi on me considère comme un crooner, oui. Ben, pourquoi pas, mais Cathy me disait hier, mais non, toi t'es un crooner, oui, mais t'as quand même une certaine puissance dans la voix, mais oui, mais on peut être crooner et avoir une voix puissante, bien sûr, ouais. C'est pas incompatible. Alors évidemment, moi, les crooners, on en parlait un petit peu hier ou avant-hier, je te disais qu'en France, il n'y a pas que, enfin dans le monde, il n'y a pas que des crooners, oui, masculins, mais il y a des crooners féminins. Féminins. Bon, on ne va pas les appeler des crooneuses, le terme est anglais, masculin ou féminin, ça reste crooner. Et moi, pour moi, les deux voix vraiment de crooner féminines, ou féminin, ce sont Françoise Hardy, qui a une voix veloutée que j'adore, ouais, et Carla Bruni. Ah oui, on ne peut pas être plus crooner que Carla Bruni, qui murmure plus qu'elle chante. Alors, voilà. D'accord. C'est pour donner un petit peu le... comment te dire... l'image du crooner en règle, ouais, générale. Je vais compléter un petit peu, si tu veux, ce que tu dis. Hein. Jean Sablon, en France, ouais. Jean Sablon était vraiment un des premiers crooners français. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Voilà, qui chantait « Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir ». Bon, il murmurait un petit peu, mais pas trop quand même. Ouais, c'est ça. Alors si tu veux, je complète un petit peu donc ce que tu disais, hein, donc bien sûr, donc qui signifie murmurer, fredonner. C'est voilà, un chanteur, ouais, le plus souvent un homme, caractérisé par un style de chant au ton chaleureux et émotionnel qu'il communique avec son timbre de voix. Cette chaleur et cette intimité dans la voix ne sont possibles que grâce à l'utilisation du microphone. Bon, voilà. Le crooner chante surtout des ballades, reste généralement dans le registre du chanteur de charme. À ce titre, oui, bien que le mot soit anglo-saxon, il existe depuis l'origine des crooners ailleurs qu'aux États-Unis, particulièrement en Europe, donc en France, en Italie, etc. Voilà. Bah oui, il y a des crooners un peu partout. Hein. Un petit peu partout, bien sûr, voilà. Alors, tu me parlais donc des crooneuses, Pierre, hein. Bon, oui. Alors, j'ai senti que ça te tenait à cœur, mais tu sais, je ne les ai pas programmés. Non, mais c'était simplement pour... Oui, oui, bien sûr, tu as raison. Pour donner un exemple de, ouais, de voix crooner. Bien sûr. Bah, dans le style, il y a également Liane Folly, qui a une voix chaude. Une ah voix oui, Liane Folly, c'est vrai que... Oui, ouais, tout à fait. Elle avait, il me semble bien me souvenir... d'un disque qu'elle a, ou d'un spectacle en tout cas qu'elle avait sorti il y a quelque temps maintenant, et qui s'appelait Crooneuse. Ouais, ça, voilà, ça me dit quelque chose. On verra tout ça un peu plus tard pour savoir si j'ai raison ou pas, mais il me semble qu'elle avait sorti quelque chose dans ce genre, Crooneuse, certainement en reprenant des chansons de grands crooners. Hein, oui, oui, ça me parle aussi, ce que tu dis là, Pierre. Ça me parle, ben, aussi, tu vois. Je, ouais, ouais. Le pied, là, ça, j'avoue que ça me traverse l'esprit, hein, tout à coup. Sinon, j'aurais vérifié avant de dire une connerie, évidemment. Pardon, une bêtise, je voulais dire. Des bêtises, d'accord, c'est pas ne grave. Ne soyons pas vulgaires à l'antenne. Non, non, non, bon, on va rester dans la bonne, voilà, humeur. Alors, si tu veux bien, Pierre, oui, on va écouter une première chanson. Ah bah, avec plaisir, bien sûr. Une première chanson. Alors là, si tu veux, j'ai choisi un chanteur de charme. Oui. Franck Michael. Pourquoi? Ah, parce non, que... oui, bon... Non, parce qu'il a une chanson qui s'intitule Le Crooner. Ah oui, alors... Donc, si tu veux, enfin, je sais pas si tu connais. Non, enfin, je connais Franck Michael, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je voulais dire la chanson. Il y a 2-3 ans maintenant, une émission avec Sophie Davant. Oui, je me souviens, ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, j'ai choisi ce titre, si tu veux, parce qu'en fait, dans sa chanson, là, bon, qui est sympa et tout, ça résume bien aussi ce dont on vient parler, tu vois. D'accord. Donc on, on s'écoute Franck Miguel. Donc on est qui a titulé Le Crooner et puis on en reparle après, bien sûr. D'accord. Merci. Il sait par cœur tous les mots qu'il faut dans les couleurs mélancoles. Le chanteur de charme, le voleur de larmes. Il sait sourire et du coin des yeux vous fait mourir d'amour dans son jeu. Il vous tient par le cœur comme un crooner. Une chapelle sous un clair de lune et l'étincelle aux yeux d'une brune. Et les violons leur pas unissant. Mais chaque soir dans son lit trop grand, y a du brouillard dans ses yeux d'enfant. Il se tient par le cœur comme un crooner. Tout cet amour de trop. Ses vrais sentiments et il retient ses pleurs comme un crooner. Et d'un regard sur le premier rang, il sait ce soir qu'il rentre perdant. Elle n'est pas venue, la belle inconnue. Mais son chagrin il le cachera dans un refrain, puis il saluera le micro sur le cœur comme un crooner. Tout cet amour de trop. Il a peur de ses vrais sentiments et il retient ses pleurs comme un crooner. Et la nuit lui répond. Un voleur de passion. Puis un jour tu le vis à l'envers, il te vide le cœur comme un crooner. Il te tient par le cœur, c'est un crooner. Salut crooner. Voilà. Pierre, oui. Donc Franck Miguel avec ce titre Crooner, que je pensais qu'il résume un petit peu le tant soit sur peut-être la gestuelle, en fait, tu sais, du chanteur de charme, tu vois. Hors antenne, Cathy, pendant la chanson, ouais. Cathy me rappelait un crooner quand même hyper important qui a chanté Hey Crooner. Ah. Alors, mais tu sais que je l'ai programmé celle-là. Ah, tu l'as programmé ? Ah oui, tu vois ? Ah, c'est génial. Ah, tu vois quand même, hein ? Voilà. Et bon, alors, on va gérer tout ça, parce que bon, c'est voilà, vrai que je l'avais mis un peu sur la fin, mais bon, alors, on va essayer après, de la passer. Alors. Je donne pas le nom pour l'instant. On donne pas le nom pour l'instant. Alors, voilà. Pierrot, j'ai un message pour toi, là. Oui ? Hein, parce que j'ai mon petit smartphone à côté, tu sais, puisque... Oui. Voilà, on essaye de capter les messages, comme j'avais dit en préambule. Oui. Donc, ça vient de Gilles Chambray. Ah bah oui, c'est mon copain. Alors il marque, j'essayerai d'être à l'écoute de l'émission dans laquelle mon ami Pierre Charby participe. Merci. Voilà. Bon, bah écoute... Je te transmets le petit message, Pierre. Espérons qu'il est à l'écoute, puisque je fais un petit coucou tout à l'heure en direct. Voilà, lui et sa femme Cécile sont des amis que je connais depuis très très longtemps et qui me font le qui me font déjà fait le plaisir de venir assister à plusieurs de mes concerts. Ouais. Donc voilà, j'en profite pour les remercier pour leur fidélité et leur amitié de si longue date. D'accord. Voilà, donc on aura peut-être d'autres petits messages par la suite. Ouais, hein, j'espère, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, je surveille ça, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, si on passait à une deuxième chanson. Oui. Hein, alors là, j'ai choisi Dean Martin. Yes. Ah, c'est bien Dean Martin. Un des plus grands crooners. Ouais. Donc, crooner américain, hein, Dean Martin, mais qui est né en Italie. Oui, de Dino Martini, bien sûr. Bien voilà, sûr. Dino Paul Crocetti, de son vrai nom. Ouais, voilà. Voilà. Donc, issu d'une famille origine d'Italie, hein, donc né en 1917 et mort en 1995. Je ne sais pas si tu sais, il était surnommé The King of Cool. Peut-être, ouais. Oui, j'avais entendu ça. Mmh, voilà. Oui. Pour la petite. Alors, est-ce que tu as programmé In the chapel in the moonlight. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va écouter, Pierrot. Parce qu'il faut quand même que je précise auprès des auditeurs. T'as vu, je suis bon quand même. Hein. Tu m'as dit, ce sera une surprise pour toi. Bon, bah, ouais. C'est bien, moi j'adore les surprises, les bonnes de préférence. Bah, bien sûr. Et puis, bon, ben voilà, alors eh ben, on l'écoute. Hein. Ben, jusque-là, c'est pas mal parti. Voilà, oui, hein? Oui. Donc on écoute Dean Martin, hein. Voilà. Allez, on y va. How I love to hear the organ in the chapel in the moonlight while we're strolling down the aisle where roses entwine. How I love to hear you whisper in the chapel in the moonlight, that the love light in your eyes forever will shine. Till the roses turn to ashes, till the organ turns to rust. If you never come, I'll still be there till the moonlight turns to dust. Oh, I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me forever be mine. Turns to rust. If you never come, I'll still be there till the moonlight turns to dust. How I love to hear the choir in the chapel in the moonlight as they sing, oh, promise me. Voilà, ah, Dean Martin. Quel plaisir d'entendre d'aussi belles chansons, quoi. Bien sûr, tout à fait. Ah ouais, là, là, là, là. Je chantais en même temps. Hein. Je me doute bien. Alors, écoute, Pierrot, les messages affluent, là, tu vois. Ah, je sais pas si on va pouvoir faire l'émission. Bah, c'est pas grave. Non, je plaisante. Alors, c'est Sylviane Burel. Oui, du Havre. Alors, elle me dit bonjour Gilles, un bisou à Pierrot de ma part. Ah ben, je le lui renvoie en quintuple. D'accord, voilà, on lui fait des gros bisous. Elle aussi est venue plusieurs fois me voir sur scène. Notamment dernièrement au mois de fin juin à Mandelieu, elle a fait le voyage du Havre jusque dans le Midi, à côté de Cannes, et on s'est vu pendant la tournée Ashtand, pendant les deux croisières Ashtand. Donc voilà, c'est il y a des amis qui sont encore plus amis que d'autres, quoi, si je puis dire, hein, parce que ouais, là, c'est normal, on se rencontre bien sûr plusieurs fois, ils se tissent des liens d'amitié un peu plus forts, quoi. Voilà. Alors, j'ai encore un autre message. Oui. Alors, belle émission, oui, si je lis bien, belle émission. Jean-Claude et Sylvie, dit Claude François. Ah oui, oui, oui, oui, je les embrasse également tous les deux, ils sont formidables. Ils sont tout le temps là, on est sans arrêt en relation, en privé ou par mail. Alors évidemment, je peux pas répondre à tout le monde parce bien que sûr. J'ai cette chance et cet honneur, de ce privilège même, d'avoir beaucoup d'amis facebookiens que je suis, hein, je les suis vraiment à la trace, je lis tous les messages, tous leurs commentaires, et je clique sur j'aime chaque fois pour leur montrer que j'ai bien lu ouais. chaque message. Mmh. Et c'est bien parce que quand je déroule un petit peu ma page Facebook, ben je vois tout de suite quels sont les messages que je n'ai pas lus. D'accord. Voilà. Okay, et je clique sur ceux dont je n'ai pas lu les commentaires, et voilà, c'est vrai que j'ai cette mémoire des noms et des prénoms, évidemment, qui m'ont bien rendu service tout au long de ma vie, de ma carrière, oui. ma vie privée ou ma vie professionnelle. Et bon, je n'aurais pas la prétention de prétendre que je connais les noms de mes presque 5000 amis. Bien sûr. Oui, ça... je pense que tout le monde pourrait me traiter de menteur. Mais j'ai les noms de tous ceux qui interviennent régulièrement sur ma page Facebook. Je les remercie énormément, parce que vraiment infiniment, parce qu'ils animent cette page toujours avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de respect. Je trouve ça très émouvant d'avoir des amis qui respectent notre couple, ouais. Cathy et moi. Il y a toujours un petit mot pour moi, bien sûr, mais pour Cathy, et ça, je trouve ça vraiment très, très, très touchant. D'accord, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est sympa. Puis moi, tu sais, moi, je serais un petit peu comme toi. Enfin, je veux dire, c'est pareil, quand j'ai des messages sur Facebook, je vais parler, par exemple, je vais prendre un exemple pour un anniversaire, enfin, pour mon anniversaire, si tu veux, ou ouais. je sais pas, quelque chose de spécial, mais je suis, si tu veux, il faut que je réponde à tout le monde. Ah oui, non. Tu sais, il y a des personnes. Moi je suis. Alors, des fois, Patricia, elle me dit, mais arrête-toi, qu'elle me dit. Mais il faut que je réponde à tout le monde. Alors, des fois, ça m'est arrivé d'avoir 50 commentaires. Tu vois, par exemple, bon, voilà, je parle pour mon anniversaire. Mais tu vois, il faut que je réponde à tout le monde, quoi. Alors, quand on a un peu le temps, ça va, mais bon. Moi, si j'avais 50 commentaires, je répondrais effectivement à tout le monde. Mais enfin, j'allais dire malheureusement. Non. Oui. Je parlais à mon niveau. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Je suis vraiment tout le temps étonné, ébloui par tout ça. Mais à chaque anniversaire, j'ai entre les mails, les textos, mon mur et les messages privés sur Facebook, j'en ai dénombré environ 3500. Ouais. Je trouve que c'est extraordinaire, je suis bouleversé par ça, parce que je me dis, bon, mais c'est incroyable que tout le monde pense à mon anniversaire, enfin, qu'il y ait autant de monde, tu vois, sur bien mes sûr, ouais, ouais. amis, ouais, bah c'est 3500, normal. C'est énorme. C'est énorme, c'est Alors, sûr. Évidemment, je commence toujours par répondre un petit peu à chacun, et puis après, ça devient tellement impossible que je suis obligé de répondre en tir groupé oui, sur mon mur. Bien sûr. Et j'espère que mes amis, enfin, je sais que mes amis ne m'en veulent pas de ne pas leur répondre personnellement, mais qu'ils sachent que je lis tout. Tout. Je mets plusieurs jours, évidemment, à tout lire, mais je lis tout. Il n'y a D'accord. pas un message qui m'échappe. Hein. Je sais qui m'a écrit et voilà. Mais je peux pas remercier 3500 personnes. D'accord. Mais dis-moi, Pierrot. Comment font des grandes vedettes, quoi, je veux dire, qui reçoivent peut-être, je sais pas, un million de. Ouais, je sais pas. Non, mais. J'avais une question, Pierrot. J'avais une question. Tu as une petite secrétaire avec toi. Non, j'ai pas une secrétaire. Non, non. Moi, je ne laisse pas de secrétaire gérer ma vie professionnelle, non, mais ma vie privée. Quand je disais secrétaire, je pensais à Cathy. Non, oh, Cathy, elle ne sait même pas comment on allume un ordinateur. C'est pas gentil, non, ça. Elle prend pas le temps, elle n'a pas le temps, elle s'occupe beaucoup de la maison, etc. Enfin bon, mais elle suit un petit peu ce que je fais. Qu'il me semble avoir vu une fois une petite vidéo avais mis. Elle un petit peu de temps en temps. Ouais, j'avais vu ça une fois. Oui. Donc tu vois. Hein. dans l'émission de Sophie d'avant, oui, il y avait eu un petit reportage. Un petit reportage, voilà. Elle me montrait certaines choses. Alors, Pierrot, j'ai encore deux messages. Oui. Donc, c'est Lynn Massé. Oui. Du Québec, donc elle nous met « Je vous souhaite une bonne émission avec Gilles, bis du Québec ». Je lui fais un gros bec. Voilà, et puis donc on a aussi, je pense pas que, on a Philippe Blanchard, donc il met « Nous sommes heureux, René et moi, d'entendre Pierre, et merci de nous avoir salués au passage de cette émission, merci à vous, amitié à tous les Vosgiens ». Ah ben, écoute, René et Philippe, ce sont des gens que je connais depuis très longtemps et qui habitaient, si je ne m'abuse, dans les Vosges. Et on s'est connus par l'intermédiaire de notre ami Alain Quetraire. Ah oui, bien sûr, Alain. Que tu connais bien et que j'ai eu d'ailleurs au téléphone pas plus tard qu'hier après-midi. Ah d'accord. Voilà, on en reparlera tout à l'heure en antenne, après l'émission. Et ben, Philippe et René, c'est la famille, quoi, voilà. Donc je les embrasse très très fort et qu'ils sachent que je ne les oublie pas du tout, même si je ne réponds pas toujours à leurs messages. Je les oublie pas du tout, d'ailleurs je n'oublie jamais personne, et encore moins les amis comme eux. D'accord. Voilà, c'est passé, Pierrot. Hein? C'est passé. Donc, alors, maintenant, nous allons écouter une autre chanson, si tu veux bien. Ah bah oui, on est là pour ça. Hein? On est là pour ça aussi, hein. Avec nos crooners. Donc là, on va écouter Tom Jones. Ah, Tom Jones. Est-ce que tu sais quelle chanson j'aurais pu choisir de Tom Jones? Écoute, moi, il y en a une que je chante, que je chantais un peu sur scène de temps en temps. Ouais. Bon, je la chante plus depuis un moment, mais de temps en temps, je me la chante pour mon plaisir chez moi. C'est Delilah. Ah, d'accord. Bon. C'est vrai que... I saw the light on the night when I passed by her window. Ouais. Tu vois, tout le monde connaît ça, hein. Bien sûr, exactement. Alors bon, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à choisir, hein, sur ces grands artistes. Il y a des beaux titres. Alors moi, j'ai choisi un autre titre. Dis-moi lequel. Tu vois, on a quand même un petit peu préparé l'émission ensemble, quand même. Enfin, avec des noms, mais tu m'as pas donné les titres. Je t'ai pas donné les titres, ah, mais c'était pour la surprise. Ouais. Alors là, j'ai choisi Help Yourself. Help Yourself, ouais. D'accord, on écoute. Ben on va l'écouter. Hein. D'accord. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly, the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire, I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word and there you're. Just help yourself to the love in my heart, your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms, just say the word. Voilà, Tom Jones. J'espère que j'ai fait un bon choix quand même. Oui, bah de toute façon, tu peux pas faire un mauvais choix parce que oui. les chanteurs que tu as prévus pour cette émission n'ont fait que des belles chansons. Exactement, c'est vrai. Des bonnes chansons. Donc, le choix, c'est vrai que là, il y a vraiment l'embarras du choix parce que elles sont toutes formidables. Hein. Bien sûr. Avec le talent que tous ces grandes voix ont. Il est impossible de choisir une mauvaise chanson, ça n'existe pas. Mais écoute, j'avais quand même un petit doute. Ah bon ? Bah oui, parce que j'ai un artiste, Pierre Cherby. Oui. Ah oui, j'en ai entendu parler. Tu connais ? Oui, un peu. Alors là, j'avais un petit peu de mal à choisir. Ah bah non, je plaisante bien sûr. Moi aussi d'ailleurs, pour l'anecdote, quand mon ami Mathieu Moulin, directeur de artistique de projet chez Marianne Mélodie, la maison des disques. Oui. Quand il m'a appelé pour me dire je veux absolument sortir une compile d'une vingtaine de chansons de Pierre Charby, évidemment. Je lui ai dit écoute, je te laisse choisir parce que moi ce sont toutes de mes bébés en quelque sorte. Donc je peux pas choisir entre mes différents bébés. Oui, c'est et difficile il de m'a faire. Appelé quelque temps après en me disant écoute, on va pas sortir un CD de un album de 20 chansons, on va sortir un double album, une espèce d'intégrale. Donc ça s'est appelé l'intégrale Pierre Charby 1972-1977, oui. Avec une douzaine d'inédits. À des bonus, quoi, en quelque sorte. Bien sûr. Donc, il y a 48 chansons. Et parce qu'il il m'a dit, je suis incapable de choisir, donc on va les prendre toutes. Alors, évidemment, il n'y a pas tout, parce qu'il aurait fallu un troisième CD. Ouais. Là, je lui dis non, là, ça va faire quand même un peu prétentieux. Hein. D'accord. J'ai pas une carrière, je ne sais pas, la carrière de Claude François, de quelques autres grands artistes français ou internationaux. Donc, pour sortir une espèce de coffret avec trois, quatre ou plusieurs CD. Donc, deux albums, déjà 48 chansons, faut les écouter, hein, faut continuer, ouais. Si j'ose dire. Mais une question, Pierre, tu sais combien tu as de chansons à ton actif qui ont été enregistrées ? Non, franchement, j'ai jamais compté. Il y en a plein qui ont été enregistrées, qui sont jamais sorties. Donc j'en ai certainement au moins le double, c'est-à-dire environ une centaine. D'accord, ouais. Donc voilà, puis il y a les versions étrangères, les versions anglaises, les versions espagnoles, les versions italiennes, j'ai même des versions allemandes, et des versions allemandes chantées par d'autres, pas par moi. Ah bah oui, parce que je t'ai jamais entendu chanter en allemand. Non, mais j'ai des... il y a eu des versions allemandes, de certaines chansons. D'accord. Mais par des femmes d'ailleurs. Chaque fois sont des femmes, oui. D'accord. Okay. Et puis il y a eu des reprises faites par des Brésiliens, des Argentins, enfin. Mais bon, par contre, des versions espagnoles, anglais et italiennes, c'est toi. C'est moi qui les chante. Bien oui. sûr. Alors, Pierre, je te propose, donc on va écouter une de tes chansons. Oui. Alors là, j'ai choisi, donc c'était que tu avais fait donc avec le quart d'heure américain. Oui. Hein? Ah ben oui. Et je me souviens des années 50. Au top des années 50. Et je me souviens quand c'était sorti, ça, tu sais, c'était sorti sur, enfin, tu sais forcément, c'était sur un maxi 45 tours qui avait la grosseur d'un 33 tours en fait. On était encore dans le vinyle. Oui. Hein? Il est sorti en 45 tours normal et en maxi 45 tours. Et en maxi 45 tours, voilà. Ouais. Le son était meilleur sur le maxi. Que sur le 45 tours, bon, ça c'est une question technique, hein. Ouais. Plus le disque est grand, plus le son est meilleur. Enfin, je parle des vinyles, hein. Oui, sur les vinyles, ouais, bien sûr, voilà. D'accord, ouais. Là, on n'en est plus au vinyle, on en est au CD, hein, les compacts. Mais tu sais que ça revient, hein, le vinyle, hein, quand même, hein. Ça oui, revient pas oui, mal. Oui, mais bon, c'est. Ça revient, mais je pense pas que ça détrônera le CD, hein. Ouais, puis bon, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire là, mais c'est des grosses pointures, quoi. Enfin, je veux dire, on revoit ressortir des vinyles, mais je sais pas, je vais citer, bon, malheureusement, il est décédé, Johnny ou Mylène Farmer, ou tu sais, des groupes anglais, tu sais, voilà. Oui. Hein, voilà, c'est ce qu'on peut revoir actuellement sur le marché, c'est vrai que ça revient, quoi, voilà. Hein, c'est vrai que. Bon. Eh ben, donc. On écoute alors au top des années 50 ? On écoute au top des années 50. Allez, chiche. Au top des années 50, c'était déjà l'amour qui tournait en 45 tours. Au top des années 50, y'a you sur le 107 FM Radio Guémozo. Voilà. Donc là, on vient d'entendre Pierre Charby avec ce titre au top des années 50, qui est mon invité aujourd'hui, qui participe avec moi à cette émission. Voilà, Pierre, on vient d'écouter cette chanson. Toujours j'ai, là. J'ai écouté, ça me fait toujours tout drôle de m'écouter, mais bien là, sûr, j'écoute avec plaisir, d'abord parce que ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas écouté, cette chanson. Et je, franchement, je disais à Cathy, en l'écoutant, c'était quand même une belle chanson. Ah oui. Voilà, tu vois, tout simplement, je me faisais un petit compliment. Comme mais ça, tu as raison. Fait. Alors, moi, ce que je voudrais dire, Pierrot, donc. Bien sûr, ça c'est sorti en 88. En 88. Ouais, il y a alors, juste 30 ans, ouais. C'est sorti le 24 janvier, tu vois, à quelques jours près, hein, une ouais, semaine c'est près, vrai. Ouais. Le 24 janvier 88. D'accord, parce que tu sais, donc, alors, bah, tu as fait ta carrière, hein, donc dans les années 70, tu as sorti pas mal de succès. Ouais. Donc notamment en You qu'on a entendu tout à l'heure qui était un gros titre hein, avec donc tu as eu disque 10 ah je vais y arriver 10 disques d'or avec ce titre là tu ouais. as fait beaucoup aussi de succès par la suite et moi j'ai eu un grand plaisir après à te retrouver bah quand oui, tu as sorti cette chanson là. Bah oui, et puis tu m'as fait le plaisir de venir m'applaudir dans le Nord il y a c'était combien ah, c'était en 2013. En 2013, oui. Ouais, en 2013, ouais. C'était pas plutôt en 2012. Ou alors 2012. À Veynes des Aubers, il me semble que c'est en 2012. Ah, peut-être, oui. Après, on s'est revus pendant la tournée Hachetang, puisque j'ai même des photos de nous. Mais oui, bien sûr. Oui. Exactement, à la tournée Hachetang, on a des photos qu'on avait faites. Puis, ben, je te remercie encore, parce que c'est vrai que tu nous as fait. Rentrer dans les coulisses, je dirais. Oui, je hein, on avait rencontré, si je me rappelle, il y avait Daniel Gérard qui était là. Oui, on a fait des photos. On a fait des photos ensemble. Ah. C'était super sympa, quoi, je dirais. Ce sont des bons souvenirs. Ah oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Évidemment. Mais... Alors, quelle est la Je suis. J'ai hâte d'entendre la chanson suivante que tu. Je ne sais pas qui tu as programmé avec quelle ouais. chanson. Alors si tu veux, là j'ai programmé un crooner italien. Ah bah oui. Alors, ça te parle ça? Bah oui, ça me parle. D'ailleurs quand je pense à lui, j'ai tout de suite une larme sur mon visage. Voilà. Ah quel enchaînement. On se comprend bien quand même. Alors Pierrot, on dira pas qu'on a préparé l'émission ensemble hein. Non, ben non. On dira pas, hein, on a fait tout à fait ça. On a fait au feeling, hein. C'est sûr. Alors on s'écoute. Allez, on se l'écoute. Bobby Solo, una lacrimo sul viso. Ah, oui. Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose. Tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora non lo sei. Tu mi amavi ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me che non amo che te. Voilà, Pierrot Bobby solo. Alors, tu sais, je pense, en l'écoutant, je repense à un de mes bons amis ici à Cannes, qui chante évidemment, qui s'appelle David Cassado. Je l'embrasse très fort, ainsi que sa femme Sylviane. Ouais. Ils sont vraiment des amis intimes. Et lui, dans son tour de chant, il commence son tour de chant en règle générale par cette chanson. D'accord. Ouais. Il fait pas mal de reprises évidemment. Mais il vient de sortir un album que je recommande à tous, parce que c'est vraiment chouette. Voilà, je lui fais un petit coucou, je ne sais pas s'il est à l'écoute, mais voilà. C'est okay. Ma façon de lui dire que je l'aime, que je les aime tous les deux, et ce sont vraiment des amis de longue date. Et David, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a un énorme talent. Et voilà, j'espère que son album va cartonner. Et oui, il a même sorti là récemment, je crois que ça date il y a une semaine ou deux, il a créé un parfum. Aha. Un parfum chez Gallimard à Grasse, la capitale mondiale. Ah oui, bien du, sûr, parfum, du parfum évidemment, avec une amie commune qui s'appelle Chantal Roux, que j'embrasse également, qui n'est certainement pas à l'écoute parce qu'elle travaille énormément, mais je les embrasse tous, et son parfum s'appelle « Que du bonheur ». Voilà. Ah, alors, bah ça c'est un beau, c'est un beau. Un petit coup de pub pour mon ami, ça mange pas de pain. Bah bien sûr. Voilà. C'est bien. Mais t'as remarqué, on se fait beaucoup de bisous, hein, Pierrot, dans l'émission, c'est bien. Ça, hein. Bah, et alors on va se gêner, tiens. Bah exactement. Alors moi, tu sais, j'avais la tête un petit peu dans mes petites fiches, voilà quoi. Puis d'un coup, je lève ma tête, puis je regarde, oh, une animatrice, une collègue animatrice en face de moi, avec un grand sourire. Oui. Voilà, donc elle s'appelle Lou. Alors, ce que je veux dire, j'ai oublié de saluer Marc tout à l'heure. Il m'a dit, c'est bon, t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc, Marc, il me faisait la technique. Et puis, je te dis, je lève la tête et, ah, une technicienne. Ah, c'est agréable. Bah oui. Ah, c'est vrai. Je ne l'ai pas en face. On n'a pas l'image, hein, encore. Ouais, c'est dommage, hein, qu'on n'a pas l'image dans les émissions radio. Il faudra que Radio Guémozo crée Télé Guémozo. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Bah écoute, si tu veux faire un petit tour sur mon Facebook. Là je suis pas devant l'ordinateur. Non, pas maintenant, Pierrot, plus tard. Bon. Tu t'essaieras de faire un petit tour, tu verras, tu la verras sur une de mes photos. OK. Voilà ce que je voulais dire. Donc Bobby Solo, on vient d'entendre, hein, au chanteur compositeur italien. Ouais. Voilà. Et on passe au crooner suivant. On passe au crooner suivant. Qui est... Alors là, j'ai choisi Elgenbert Humperdinck. Ah, bah oui. Ah, c'est bien aussi ça. Ah, ben c'est un grand de chez grand lui aussi. Ah, hein. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'à un moment donné, Elgenbert Humperdinck a produit Tom Jones, a Exactement, été le producteur de Tom Jones. Voilà, j'avais lu ça, ouais. D'ailleurs, ils ont un petit peu un style assez proche l'un de l'autre. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, lorsqu'on écoutait Tom Jones, je parlais avec Cathy d'Engelbert, et je lui disais qu'il était encore plus crooner que Tom Jones. Ah oui. Il a une voix encore plus veloutée, on va dire, différente évidemment, mais assez proche en même temps. C'est vrai. Ouais, ouais. Et ouais. Donc Elgenbert, donc lui, il était un des rares chanteurs à avoir été l'ami d'Elvis Presley. Ah bah oui. Là, j'avais noté ça sur un petit truc. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme chanson d'Engelbert? Alors, écoute voir, j'ai choisi une chanson d'Engelbert que j'adore. Ouais. Bon, bien sûr que j'aime bien. Il a des belles chansons, Engelbert. Et comme on disait tout à l'heure, on n'a pas mal de faire du choix parce qu'il y a tellement de belles chansons, comme tu disais, Pierrot. Mais là, en fait, c'est un souvenir, tu vois, parce que bon, j'ai mon papa, bien sûr, qui est plus là, qui adorait cette chanson-là. Et à l'époque, tu sais, moi, j'étais encore ado, hein, tu vois bien, voilà. Puis il me demandait toujours, tiens, tu veux pas me passer la chanson-là ? Alors, cette chanson-là, avec ce titre-là, c'est « A Man Without Love ».« Without Love ». Oui, excuse-moi pour mon anglais, Pierrot. Love and homme sans amour. Ouais. Ouais, ben voilà. Oui. Ça doit être triste, un homme sans amour. Exactement, ouais. Sans amour aussi, d'ailleurs. Donc, on s'écoute Engelbert ? Allez, on se l'écoute. Allez, c'est parti. Avec grand plaisir. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up. Lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out. Lonely as a man. Cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from. Engelbert Humperdinck. Ah là là là là. Ah, ça, c'est des belles voix, hein. C'est vrai que. Alors, tu sais que Engelbert Humperdinck, c'est un chanteur britannique, bien évidemment, hein. Oui. Anglais, mais qui est né en Inde. Oui, je l'avais noté. Ah, tu l'avais noté, ah, bah tu vois. Bah, tu vois. On est en phase, Pierrot, on est en phase, hein. Peu de gens le savent, ça. C'est vrai. Tu vois, mais c'est bon, c'est un petit détail. Bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on écoute après ? Parce que alors, là, il faut essayer d'être un peu moins bavard, peut-être. Oui, hein, oui, parce qu'il faut. Et tu sais que j'en avais prévu 20, hein, alors on passera pas les 20. Allez, on y va. Alors, moi, je voulais faire un petit plaisir. Alors, à Cathy. Oui. Parce que tout à l'heure, elle a parlé donc de ce titre Hey Crooner, qui est chanté par Guy Marchand. Bah, bien sûr. Et donc, on va peut-être écouter ça. Eh ben, écoute, et puis on dédicace cette chanson à Cathy. À Cathy, ben pourquoi pas, bien hein évidemment, c'est elle qui m'en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que. Et tu vois, je l'avais mise. Moi, je n'y avais pas pensé. Ouais. Et comme par hasard, ben, toi tu y as pensé, ce qui était quand même le principal. Voilà. Donc on s'écoute. Je le rappelle, oui. C'est toi quand même le boss là aujourd'hui. Ah bah hein. oui, bien sûr. C'est pas moi. Et puis je voulais faire des petites surprises, tu vois, voilà. Et puis voilà, c'est, ouais. Je pense que. Allez, on écoute Guy Marchand. Guy Marchand. Sans pas ridicule, la main sur le cœur, tu fais marrer tous les rock'n'rollers. Quand tu roules tes épaules de maître nageur, hey rouleur, pourtant tu rappelles à tous les danseurs quelque chose de leur vie comme du bonheur. Dans ta chanson crooner, strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was? Hey, crooner, t'as toujours l'air de sortir chez le coiffeur. Quand tu mets ton smock de garçon serveur, hey frimeur, t'avais pas besoin de jouer les terreurs. Tu prenais les bonnes femmes par la douceur. Dans ta chanson crooner, the shadow of your smile, when you sortait comme dans un haut-parleur, sucré comme la guimauve d'un confiseur. Hey crâneur, pourtant t'étais relax comme un flâneur. Tu laissais tous les amoureux rêveurs dans ta chanson crooner. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Love me tender, love me sweet, never let me go. You've made my life complete, and I love you so. Voilà, Guy Marchand, Hey Crooner. Eh oui, une très très belle chanson. Oh, c'est Cathy. J'adore, c'est très beau. Hein. Là vraiment, ça aurait pu être quasiment, Gilles, oui. Une chanson d'ouverture de ton émission. Mais figure-toi Cathy que j'y avais pensé. Bah oui. C'est vrai, j'y ai pensé. Alors c'est vrai que j'ai hésité entre, bon tu as dû entendre tout à l'heure, j'ai mis Franck Michael, le crooner. Et puis j'avais en tête bien sûr de diffuser cette chanson de Guy Marchand et j'ai hésité. Alors tu sais que plus près de nous, je parle au niveau des années, il y a eu aussi, dans ce genre de chanson, Balavoine qui a chanté Chanteur de Charme, je crois, il y a une chanson comme ça, il me semble, un texte. Chanteur de Charme, oui, ça me dit quelque chose, ouais. Voilà, et sans vouloir tenir trop longtemps l'antenne, en tout cas merci. Moi, je pense quand même que cette définition du crooner, là, elle est à revoir, hein, parce que tout ce que j'ai entendu là, oui, c'est que des super voix, des belles voix, bien sûr, et puissantes et qui ne susurrent rien du tout, hein, oui, qui chantent. Bien sûr. Ça chante. Parce que c'est vrai que Pierrot nous parlait tout à l'heure de crooneuse. Enfin. Puis je me dis, si je mets du Carla Bruni, alors c'est d'humour, hein, que je vais dire, c'est pas méchant, hein, mais si je mettais du Carla Bruni, j'avais peur qu'on s'endorme. Non, c'est... voilà, là, c'est peut-être effectivement la définition, l'exemple, oui, de la définition, mais c'est quand même joli. C'est joli quand elle chante. Oui, bien sûr. Mais toi, si tu veux, en préparant l'émission, bon, c'est vrai que j'avais pris que des hommes... que des crooners. Je me dis, bon, après, on aurait pu passer un petit extrait, peut-être. Puis je me suis dit, bon, après, je dis, de toute façon, on en parlera avec Pierrot, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai pas voulu, bon, voilà, les diffuser, parce que, bon, c'est vrai que on a pas mal d'artistes, hein, c'est vrai, quoi. Et puis, voilà, quoi, j'ai dit, bon, je vais rester comme ça, quoi. Je vais pas... Alors, juste pour finir, il y a une chanteuse à laquelle il n'a pas pensé, Pierre. Ouais. Et pourtant, lui et moi, nous l'aimons beaucoup. C'est Marie-Myriam. Ah, Marie-Myriam. Myriam qui a, elle, vraiment, ah bah oui, joli timbre de voix, comme ça, dans la douceur, ah, et oui, la puissance. Et d'ailleurs, elle avait fait, je ne sais plus, il y a déjà un moment, hein, elle avait fait une adaptation de, j'arrive pas à retrouver de qui, un petit peu comme ça, sentimental. Et c'était très joli, c'était une adaptation ou des Platters ou je sais plus. Ouais. Où là vraiment, c'est. On n'arrive pas à retrouver le titre. Ouais, moi je l'adore aussi, Marie-Myriam. Voilà, ça, c'est vrai. Marie, la petite Marie, ben, elle a une très jolie voix. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, dans ouais, la douceur, comme ça, tu vois, très, très veloutée. Oui, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et sans oublier qu'en 77, quand elle a remporté l'Eurovision, oui, elle était en concurrence avec Pierre. Avec Pierre, bien sûr. Ouais, pour représenter la France. Bon, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, c'est à quelques voix près, c'est elle qui a été pressentie. Oui. Et c'est elle qui a représenté la France et qui a gagné. Bon. Oui, bien depuis... sûr. Et puis depuis, depuis on n'a plus grand-chose. Ni de gagnante, hein, ni de gagnant. Et parce cette que... année, on ne sait pas trop. Hein, bof. Bon, on verra bien. Moi, je suis mais encore sceptique là-dessus. C'est dommage parce qu'il y a quand même y a du talent en France. Donc, c'est quand même incroyable qu'ils n'arrivent pas à faire une chanson. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il faut faire une chanson spéciale pour l'Eurovision. Oui, parce que c'est particulier, l'Eurovision. Et puis, ce qui est dommage, excuse-moi, je rebondis. Ce qui est dommage, c'est que tout le monde chante en anglais maintenant. Après, oui, je ne dis pas ça. Je dis pas ça, mais tu prends comme dans les autres émissions, The Voice, etc. Il y a des superbes voix, des gens qui passent là, qui ont des ouais, superbes voix. Mais c'est vrai que l'Eurovision, comme on l'a connue nous, enfin, moi, je ne sais pas, hein, je ne veux pas paraître ringard, mais comme on l'a connue nous dans les années 70, chaque pays interprétait dans sa langue. Et oui, oui. Et ça avait une autre couleur, ça avait une autre dimension, je trouve. Bah, c'est-à-dire bon, après... qu'il y a des pays, évidemment, qui ont des langues un peu particulières, tu vois, très dures oui, bien sûr, donc, à l'oreille. Donc l'anglais, évidemment, il passe partout. L'anglais, oui, c'est sûr, la ouais, langue ouais, qu'on parle partout, quoi, tu vois. Mmh. Non, puis il y a la façon de le chanter aussi. Planétaire, hein, quoi. Donc, bon, ben, voilà, quoi. Mais on pourrait débattre de tout ça très longtemps, donc je ne vais pas te tenir trop longtemps. Non, mais bah, écoute, je voulais te faire cette petite dédicace pour toi, Cathy, puisque c'est gentil comme tout. Tu en avais parlé, et c'est vrai que j'avais pensé à la. Je l'avais mis sur ma playlist, et de toute façon, voilà, elle serait passée. Mais bon, j'ai voulu la passer maintenant, parce que c'est vrai que ça passe vite à l'antenne. En tout cas, je t'embrasse fort. Et moi puis, aussi, bah, Cathy, écoute, merci. Moi, je passe le bonjour à tout le département, toute la région des Vosges. Oui. Voilà. Okay. Et je repasse le micro à l'artiste à côté de moi. D'accord, Cathy. Merci beaucoup. Et prends soin de toi. Bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt. Bon, ben dis donc. À part ça, c'est moi qui suis bavard. Non, mais ça, j'espère que ça fera plaisir à ceux qui sont à l'écoute d'entendre enfin la voix de Cathy. Mais bien sûr, et puis moi, ce que j'aime bien, enfin, dans mes émissions, dans cette émission, c'est que c'est la bonne humeur, tu vois, c'est le partage, bah, bien sûr, l'amitié. Parce que des fois, tu sais, c'est pas toujours évident. Des fois, bon, tu sais, on en avait parlé un peu en aparté au téléphone. Bon, il faut quand même qu'on puisse parler. Je veux dire, si des fois, t'as des personnes qui causent pas beaucoup, c'est pas évident, hein. Non, bien sûr. Alors, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que Cathy a fait quand même toute une carrière d'animatrice de toutes sortes. Elle a fait de la radio pendant longtemps. Et pour moi, c'est une des meilleures animatrices que je connaisse. Et elle a fait de l'animation commerciale, elle a fait des présentations de spectacles. Elle a tout fait en matière d'animation. Et vraiment, elle a toujours été dans l'excellence. Voilà, je sais que c'est un petit peu prétentieux de ma part de parler de mon épouse comme ça, mais je le dis parce que je le pense vraiment profondément. Bien sûr, et puis je sais que ça ne lui plaît pas que je parle d'elle comme ça, mais voilà, c'est dit. Je pense qu'elle a... elle a eu plaisir à parler, tu vois, au micro, par l'intermédiaire du téléphone, bien sûr. Bah, moi, ça m'a fait plaisir de parler aussi un petit peu avec Cathy. Voilà, improviser, tout ça, c'est totalement improvisé. Moi, j'aime bien l'improvisation. Exactement, c'est ça qui est bien, ouais. Alors, on a suffisamment blablaté, comme on dit. Bah oui, Pierrot, alors... Alors, le crooner suivant, il s'appelle Pierre Charby. Ah, d'accord. Il s'appelle Pierre Charby avec ce titre. Donc tu nous en parleras après, Pierre. Donc avec ce titre, I Believe. C'est une chanson qui m'a porté chance. Ouais. Écoute, si tu veux, on l'écoute. Oui. Et puis on en parle après, s'il te plaît. Ok. Merci, Pierre. I believe for every drop of rain that falls. Flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone I believe. I believe. I believe above a storm, a smallest spray will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why. I Voilà, Pierre. Bon. Oh, dis donc, là ça monte, hein. C'est vrai que la fin. C'est... Wow. C'est un peu ma spécialité, en vrai. Oui, bien sûr. c'est une chanson, je disais, c'est ma chanson fétiche qui date de 1953. Moi, je commençais à la chanter, je devais avoir 13-14 ans à l'époque. Oui. Et j'ai remporté un nombre incalculable de concours de chant, de radio-crochets à l'époque, dont un en 1963, tu vois, ça nous ramène vraiment très très en arrière. Oui. À l'opéra de Toulon, j'ai remporté la médaille d'or de la Gazette en chanson, et cette médaille d'or, je l'ai autour du cou en ce moment. Oui. Tu vois, elle est très très belle. Et en 74, j'ai eu l'immense honneur, évidemment, de faire l'Opéra de Toulon en tête d'affiche. Et ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. En plus, le lendemain, je faisais l'Olympia à Paris. Donc, c'est extraordinaire. Tout ça, tout ce qui m'est arrivé à cette époque, j'en ai savouré chaque instant. Et chaque fois que je me rappelle ces instants, je trouve ça formidable d'avoir vécu tout ça. Bien sûr, ouais, c'est que du bonheur, hein. C'est vrai que voilà. C'est des bons moments, des beaux souvenirs et tout. C'est vrai que ouais. c'est super, hein, c'est vrai. Alors après ce petit jeune Pierre Charby, là, oui. Qui l'as-tu à nous proposer? Alors écoute, après ce petit jeune, donc, comme tu dis, oui. Alors moi j'ai choisi, puisque je sais, tu vas nous en parler après aussi. Oui. Si tu veux bien. Bah oui, Donc on va écouter Les Platters. Ah, Les Platters. Alors, avec ce titre, oh, je te laisse deviner, vas-y, dis voir. Je pense que c'est Only You. Voilà. Allez, on écoute, Pierrot, puis ouais, on en reparle, merci. Only You à Cathy, je crois que c'est la voix, oui. Mais vraiment la voix qui me bouleverse le plus chaque fois que je l'entends. Ouais, c'est... Ah, c'est... Je sais pas, c'est... j'ai peut-être l'air ridicule de dire ça. Ah non, pas du tout, non. Mais c'est... La voix masculine qui m'émeut le plus, c'est celle de Tony Williams, qu'on vient d'entendre, le soliste des Platters. Ouais. Celle qui me bouleverse également autant dans les chanteuses international, c'est Barbra Streisand. Ah oui, bien sûr, ouais. Évidemment, celui malheureusement qui n'est plus là et qui a été vraiment mon grand ami et dont j'ai été moi le meilleur ami, c'est oui. Mike Brandt. Mike Brandt, ouais. Ouais. Voilà, ça, c'est une voix comme celle de Mike Brandt, elle est inimitable, elle est irremplaçable. Et voilà, je lui fais un petit coucou parce que je suis sûr que de là où il est, ouais. il sait à quel point j'ai pu l'aimer, à quel point je l'aime. Et dans tous mes concerts, je me fais un grand, grand plaisir de chanter une chanson ouais. de Mike, à savoir « Laisse-moi t'aimer », parce que ça reste la plus belle, la plus difficile. Ah oui, sûrement, oui. Belle. Et ouais, doute, pour oui. moi, c'est un challenge, mais c'est pas une imitation. Hein. Je veux pas me mesurer en plus à lui, parce que je ne peux pas. Personne ne peut se mesurer à Mike. Mais c'est un hommage, un modeste hommage que je lui rends à chacun, dans chacun de mes concerts. Mais ce que voilà, je veux dire... c'est une façon de lui faire savoir que je pense toujours à lui. D'accord. Et... lorsque je n'ai pas de concert, ben entre deux concerts, je me fais le plaisir de chanter ces chansons chez moi. Et là, j'en chante plusieurs. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, Pierre, c'est que tu as quand même le talent pour chanter ces chansons-là. Enfin, comme Laisse-moi t'aimer, c'est pareil, ça monte ah oui, très haut. Donc bien sûr, parce que si je ne pouvais pas les chanter, ces chansons-là, je ne les chanterais pas, bien évidemment. Hein. Bien je ne prendrais pas le risque de me casser la figure sur une note ou sur plusieurs. Voilà, donc ben Mike, laisse-nous t'aimer. Ouais, oui, exactement, ouais, c'était un grand voilà. artiste avec une superbe Alors, voix ben aussi. Écoute, ça m'a fait plaisir évidemment d'entendre des Platters parce que... oui, parce que tu as chanté avec eux ou tu as fait une première partie oui, j'ai fait toute une tournée d'un an et demi en France. Et bon, Tony Williams n'est plus là, il est décédé il y a très longtemps. Il restait deux membres du groupe originel, David Lynch et Paul Robbie. Et David Lynch, qui était devenu le second ténor du groupe, c'est lui qui chantait en soliste, évidemment. Et après, moi, je faisais leur première partie et dans leur tour de chant, eh bien, il m'avait invité à venir chanter quatre chansons en soliste. Voilà, moi j'étais le petit Pierre Charby, le petit Frenchie, au milieu de ces grands Américains. Heureusement qu'il y avait une femme qui était un peu de ma taille, ou peut-être même un peu plus petite. Sinon, j'étais vraiment... j'avais l'allure d'un nain, quoi. Ils étaient très grands. Ils étaient très grands, et malheureusement ils ont tous disparu maintenant, parce que ça s'est passé entre novembre 79 et mai 81, oui. Ils ne sont plus de ce monde, mais je peux dire que j'ai eu le privilège et l'honneur et surtout le plaisir de les connaître et de chanter avec eux, de remplacer un petit peu, entre guillemets, Tony Williams, même si je pense très profondément qu'il est irremplaçable, et à ma manière, je leur rends encore hommage dans mon prochain album. Voilà, justement, ouais. Voilà, qui est terminé. Je voulais t'en parler un petit peu. Est-ce que tu pouvais parler un petit peu de tes projets, donc. Alors, il me reste la photo pour la pochette à faire. Avec mon ami Anne Danicourt que j'embrasse très très fort aussi. J'espère qu'elle est à l'écoute. Sinon, elle saura que je lui fais un gros gros bisou. C'est un excellent photographe, une excellente photographe. Et on avait fait les photos au mois de juillet. Il faisait très chaud, mais entre temps, j'ai eu une autre idée de photo de pochette. Donc je pense qu'on va attendre que les beaux jours reviennent un petit peu mieux qu'en ce moment. Oui. Et dès qu'elle pourra, je pense qu'on va terminer cet album parce qu'il est complètement mixé, masterisé. Il ne reste plus que la pochette à faire. D'accord. Bon, ce qui n'est pas une mince affaire malgré tout, mais bien sûr. Voilà. Il y a 15 titres en tout, et franchement, je pense qu'on a fait un très très beau disque. C'est un hommage au plus beau slow des années 50 américaines, ouais. avec évidemment beaucoup de chansons des Platters, des chansons de Paul Anka, de Fats Domino, d'Elvis, bien et sûr. Puis d'autres comme Ancient Melody, par exemple. Ah oui, bien sûr, d'accord, ouais. qui a vraiment rendu célèbre ce fameux film Ghost. Ghost, oui, tout à fait. Ouais. Des grands Summertime, titres. Par exemple. Voilà, y a deux medleys qui sont assez fabuleux, que j'ai tenu à mettre sur ce disque. Et ben, j'espère que vous serez très nombreux à le découvrir. Bien sûr, puis j'espère, Pierrot, que on se retrouvera pour en parler quand ça sera sorti. Voilà, oui. Tu m'as demandé de t'envoyer quelques titres pour l'émission d'aujourd'hui. Bon, je t'ai refusé, mais vraiment, la mort dans l'âme, comme on dit. Oui, avec un titre que j'avais, ouais. Oui. Non, mais c'est normal. Tu vois, je m'aurais envie de te les envoyer, de les diffuser, mais un peu par superstition, je préfère qu'on fasse ça une fois que le disque sera concrétisé complètement. D'accord, ouais, bah bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, dès que c'est prêt, quand tu auras l'album complet en main, alors là, tu pourras passer toutes les chansons si tu veux, il n'y a aucun problème. D'accord, Pierrot, bah, écoute, je note, hein, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème, dès que ça fait. Alors, de toute façon, on reste en contact, bien sûr. Hein. Ah, bah, bien sûr. Comme je disais, bon, là, on est ensemble aujourd'hui et ça me fait très plaisir. Et comme je te disais au début, c'est vrai qu'on a plusieurs fois, tu as participé dans mes émissions et ça, c'est vraiment... C'est pour moi aussi, c'est du bonheur, tu vois, de te recevoir. Écoute, alors, j'avais une question, Pierrot. Oui. Alors, c'est sûr que j'avais prévu d'autres chansons. Oui, mais pas tu grave. Vois, il est 17h27. Alors, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que tu as fait un bon choix? Dans tout ce qu'on a entendu. Ouais, absolument. Moi, je me suis régalé. J'ai pas vu l'heure passer, le temps passer. Ouais, ça passe vite, c'est vrai. On a peut-être un peu bavardé un peu plus que prévu. Oui. Mais c'est pas grave. Je pense que personne ne nous en voudra. Mais non, bien sûr que non. Ça nous permettra de refaire ce genre d'émission un peu plus tard, quand tu voudras, et de passer d'autres chansons, d'autres crooners, et puis voilà. On pourrait faire une émission 2, à la limite. Hein. Ah ben oui. Parce qu'avec ce que j'avais sur ma playlist, on pouvait faire une émission 2. Hein. Ben, on peut faire, tu sais, il y a beaucoup de films comme ça qui sont en plusieurs épisodes. bien sûr. Ben, pourquoi pas, hein. Moi, je suis à ta disposition. Voilà, sache-le. Ben, c'est très gentil. Et j'espère que tu pourras diffuser le podcast sur ton mur et sur le mien. Celles et ceux qui n'auront pas eu le temps et le plaisir d'écouter cette émission, de nous écouter aujourd'hui, bah, ils pourront l'écouter dans une sorte de replay, quoi. D'accord, Pierrot. De toute façon, comme je l'avais dit, de toute manière, donc ça sera donc mis en podcast, donc sur la page de notre radio dans la soirée. Hein, je regarde Marc. voilà, c'est bon. Ça sera la soirée. Donc je repartagerai. Il y a pas de problème. Hein, donc pour ceux qui n'ont, comme tu dis, qui n'ont pas pu entendre. Alors, Pierrot, il est 17h28. Oui. Donc on va terminer par une dernière chanson. Oui. Mais avant, je voulais te dire encore merci. Bah, merci à toi. Hein. Merci d'avoir participé à cette émission-là. Voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis, le donc, plaisir est largement partagé. Hein. Je sais bien. Je sais bien. Et puis bah, je vous fais des gros bisous à tous les deux. Eh bien, écoute, on t'en fait autant, évidemment. Et puis, on en profite pour embrasser tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Voilà, puis qui nous ont laissé un petit message. Hein. C'est vrai que c'était sympa. Voilà, je les embrasse tous et toutes. En tout cas, tous ceux qui me font le plaisir de faire partie de mes amis facebookiens. Et qu'ils sachent que je les aime tous et toutes. Et je les embrasse vraiment tous et toutes. Et surtout... toutes, voilà. D'accord. Entendu, Pierrot. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve bientôt. On se retrouve quand tu veux. D'accord. Bye bye. Bye bye. Amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. J'espère que cette émission vous aura plu. Et pourquoi pas une prochaine émission encore avec les crooners, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Alors, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures musicales. Bye bye à tous. Et si on pouvait lancer comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont couru. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in me.